Au sport, pour le 26 novembre, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile. Louis Saint-Laurent visite Tandem Le Boisé à Victoriaville à 16h30 à l'Arena Jean-Béliveau. Dans la Ligue de basketball benjamin masculin division 3, Louis Saint-Laurent reçoit le Mont-Saint-Anne à 17h30.